tournée internationale des Slow Mo. Brebis spécialement formulé pour assommer un cheval. Il Fédéral Bureau of Investigation. Fédéral Bureau of Investigation. Yeah. J'en allais du travers. On était gros cucu. Puis on cognait plus. La viande. Mon image, c'est vraiment touchant, hein, pareil, toutes ces références-là à Guy et Nathalie. Salut Simon! Salut Tommy! 70% qui est en onde, je vais partir de notre toon thème préféré, celle qu'on est absolument pas tanné d'entendre. Non, pas du tout. Jamais, voyons donc, on se fera jamais ça, c'est débile. Et voilà, ce qui prouve hors de tout doute que vous écoutez 70%. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Simon? On a un comique de la semaine qui est très, très, très comique. Très comique, oui, voilà. Oui, on a des nouvelles. Oui. On a également un décompte, là, le top 10 des meilleures blagues pour le poisson d'avril. Oh! Oui, c'est en fin de semaine. En fait, c'est dimanche. Et oui, et alors. Oui. Et puis, t'avais d'autres choses que tu voulais dire, peut-être, ou c'est à mon tour? Ah oui, ben je voulais saluer notre nouvelle auditrice que j'ai rencontrée hier au Saint-Sulpice. Elle lisait l'encyclopédie des choses bizarres de Bernard Werber, je crois. Ah, ben ouais, ouais, t'as ça. Ouais, ouais, l'encyclopédie absurde et absolue, là, des choses relatives et absolues, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit que si elle lisait ça, elle devait être cool parce que toi, tu lis ça aussi. Et toi, t'es cool. Ouais, c'est vrai que je suis cool et célibataire. Ouais. Et je voulais également saluer mon ami Mario. Qui lui fait beau ces temps-ci, il a sorti sa moto. Ah, et ouais. Puis il y a eu un accident malheureusement. Oh. Il a perdu conscience quelques secondes. Et puis en fait, c'est que son jacket s'est ramassé par-dessus la poignée du bicycle. Puis lui, à demi conscient, il a voulu avec sa main aller prendre la poignée, tu sais, pour l'attirer, pour se relever. Ben en fait, il pensait que c'était la poignée, mais c'était pas ça. Il y avait une fracture ouverte du fémur qui sortait. Fait que c'est pogné le fémur, puis ça l'est arraché encore plus. Alors Mario, je te salue et j'ai une pensée pour toi. C'est dégueulasse. C'est purement dégueulasse. Mais non. C'est le retour à la maison. Et voilà. ben moi, peut-être je vais commencer par ça parce que j'ai pas beaucoup d'extraits. On a écouté hier pour vous, moi et Madame Josiane Huard, qui va animer la prochaine émission ici. On a écouté hier pour vous Bob l'éponge, le film. C'est pas vraiment douteux. Moi, j'aime bien Bob l'éponge qui vogue entre l'absurde définitif et le manque de quotient total. Là, j'ai gardé quelques séquences. On va écouter la première qui est... vous allez voir. En tout cas, c'est assez touchant. On vous revient après. C'est... Non, ça vaut la peine que j'en parle un peu plus parce que c'est comme Bob l'éponge qui vit un début de film à la douteux, un petit peu comme dans les films mauvais que d'habitude je vous amène. Fait que là, on va écouter cette séquence-là puis on revient après. C'est un endroit où... On est dedans. Patience, cher client. On a un incident technique à régler. C'est tout ce que j'ai le droit de dire. J'en parlerai qu'au directeur. C'est lui, il arrive. Au rapport, Krabs. Tout a commencé lorsque le client a commandé un petit crème avec fromage. On l'a servi. Et dans le sandwich, il n'y avait pas de fromage. Quelle tragédie! Garde ton sang-froid, Krabs. C'est bon, je suis là. Tout va bien, mon ami, directeur de cet établissement. Je vais arranger ça, on se décontracte. Oh, j'ai peur, j'ai la chair de poule. T'as un nom? Oui, c'est Phil. T'as de la famille, Phil? S'il te plaît, Phil, arrête de faire le poulpe mouillé. T'es marié? Oui, j'ai une femme et deux beaux enfants que j'adore. Tiens le coup, ne flanche pas. Tu vas me rendre un petit service. Lequel? Retrouver le sourire. Entrez commandé. Attention, pour monsieur Est-ce que c'est un homme, une chaise ou une femme qui chante? C'est une femme. OK. Si tu le dis. Ben, je suppose, ouais. C'est peut-être un eunuque. Oui, possiblement. Simon, top 10 des calembours de blagues drôles du Poisson d'Avril. Oui, absolument. Je vais les faire en ordre croissant de drôlitude selon mon classement très scientifique. Très, très, très. Alors, le premier, OK, c'est arrivé en 57. C'est une émission de la BBC qui a annoncé que grâce à un hiver clément et à la disparition d'insectes qui attaquaient les spaghettis, les paysans suisses ont profité d'une récolte exceptionnelle de spaghettis dans les arbres. Et cette annonce a déclenché une multitude d'appels téléphoniques de gens qui ont demandé comment faire pousser des spaghettis chez eux. Fait que ça, comment on fait? Fait que, hein? Non, il n'y a pas de réponse. Mais, fait que c'est ça, c'était le 10e plus poche. J'enchaîne tout de suite avec le 9e et le 8e. Alors, en 9e place, c'est en 85, c'est le magazine sportif, pardon. Sports Illustrated, le très célèbre, qui a raconté l'histoire d'un joueur de baseball qui avait réussi à lancer une balle à 270 km/h. Quelques 1000 à l'heure, 180 000 à l'heure, dans ce coin-là. C'est ça, puis qui devrait bientôt intégrer l'équipe des Mets de New York. Ils ont dit ça. Le joueur, c'est un certain Finch qui avait soi-disant acquis cette habileté en s'entraînant dans un monastère tibétain. Il y a eu beaucoup de New Yorkais satisfaits. Qui voulait aller dans des monastères tibétains, c'est peut-être. Alors, en 8e place, ça, c'est arrivé en 62. C'est la Suède qui, à l'époque, avait une seule chaîne de télévision et qui diffusait en noir et blanc. Oh boy! Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un technicien de la chaîne qui est apparu sur les écrans le 1er avril puis qui a annoncé aux téléspectateurs qu'avec un tout nouveau procédé technologique, il pourrait maintenant voir les émissions en couleur s'il prenait un bas de nylon puis qu'il étirait devant l'écran puis qu'il laissait poser là. Excellent. Et l'industrie des bas de nylon a bien fonctionné pendant 2-3 jours. Oui, bon, tu connais les Suédois. Hein? Oui, très bien. Bon, ben, on va aller écouter une toune de Lou Reed, je pense. Walk on the Wild Side? Non, ça va être l'autre. Ça va être Romeo at Juliet. Mais t'aimerais-tu mieux Walk on the Wild Side? Ben, comme tu veux. Ça me dérange pas. On va écouter Romeo at Juliet parce que tu l'as jamais entendu. All right, on va revenir à 70% puis vous êtes mieux de rester là parce que sinon vous connaissez rien. In your face. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says, it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Alors, Patrice, comment envisages-tu la prochaine saison du Canadien? Ah, c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est un rêve. Hein? J'ai joué 12 ans avec le Canadien, et puis c'est sûr que cette année, je me souviens des Canadiens, présentent une formation de patineurs, et on espère que le Canadien, c'est sûr que je pense que c'est sûr que j'aurai toujours quand même une grosse touche de cœur pour le Canadien. C'est pour ça que je dirais le Canadien, c'est... Le Canadien s'est grandement amélioré pour la prochaine saison et que on leur souhaite le rêve. C'est sûr que le Canadien, je pense, Canadien. Merci, Patrice. Oui, un sérieux candidat au comique de la semaine, Tommy. C'est notre ami Rudolf Giuliani, actuel ancien maire de New York. OK. Qui se présente pour la présidentielle, pour les républicains. Oh, c'est ça, n'est-ce pas? Bravo. Alors, M. Giuliani avait bel et bien été informé, n'est-ce pas, des relations que M. Bernard Kerik avait avec une compagnie de construction soupçonnée d'appartenir à la mafia. Cette information ne l'avait cependant pas du tout empêché de nommer Kerik au poste de chef de police de New York en 2000. Louche. Et de le recommander plus tard comme ministre à la Sécurité intérieure. OK. Alors, c'est en décembre 2004, Kerik avait retiré sa candidature au poste de ministre de la Sécurité intérieure après avoir admis qu'il avait employé une nounou sans la déclarer au fisc. Alors, dans la foulée de cette révélation, la presse new-yorkaise avait également dévoilé les liens de Kerik avec cette compagnie du Bronx qui avait rénové gratuitement sa maison et qui, selon la police, cette compagnie était dirigée par des associés de la mafia. Hey, c'est... À l'époque, l'ancien maire de New York, notre ami Giuliani, c'était Giuliani, Rudolph. Rudy. S'était défendu en disant qu'il n'était pas au courant des rapports douteux de son homme de confiance avec cette compagnie. Ouais. Fait que là, ben, c'est soit qu'il s'en rappelait plus ou qu'il a égaré cette information-là, ou soit qu'il mentait. C'est un ou l'autre. C'est pas mal, un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Soit qu'il a oublié que le gars qu'il a nommé comme boss de police, c'est un gars qui avait des liens avec la mafia, ou soit qu'il mentait à propos de ça. Ouais. C'est juste bizarre, tu sais, le gars, il s'appelle Giuliani. Oh! Des propos racistes ici. Ouais, c'est ça. Colin, ça avait été des Schweizer, mais mon gars, t'aurais été un antisémite. Ouais, c'est ça, exactement. Mais Giuliani, ça ressemble à Gagliano, un peu. Puis lui, on l'aime même beaucoup. Même connotation. Puis notre premier, Zaccardelli. Zaccardelli. Oui, c'est en fait, c'est l'ancien, actuel ancien numéro un de la GRC au Canada. Ah oui, oui, ben c'est oui. Lui. Je crois qu'il a dû remettre sa démission dans la foulée de l'affaire Maire Harare, qui s'est ramassé à se faire torturer en Syrie. Mais c'est qu'en ce moment, il y a un scandale qui a été dévoilé par des agents en poste actuels et des agents à la retraite. Oui, ça fait la manchette beaucoup ces temps-ci. Comme quoi, c'est un scandale financier. Il y aurait eu de la fraude qui se serait faite au niveau des pensions de ces agents-là, et que Zaccardelli, en son âme et conscience, aurait tout fait pour nuire à l'enquête. enquête et tout ça. Fait que là, c'est juste, en tout cas, police, non italien, mafia. Oui, qui sont revenus dans deux histoires différentes, dans deux pays différents. Oui, mais. Là, les grands du pouvoir et tout et tout. Hier, j'ai entendu des gens qui parlaient de. Puis là, ils disaient ici, au Québec, c'est comme plus les Hells qui contrôlent l'underground, la distribution et tout et tout. Puis là, ils disaient au moins la mafia, eux autres, ils ont de la classe. J'ai trouvé que c'était une phrase qui était drôle. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi, ils mettent du ciment pur quand ils te font des belles sous, des belles runnings avant de te pitcher dans un slip 5 étoiles dans le fond du Saint-Laurent. Oui, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, tout était, toute chose était égale à elle-même par ailleurs. Simon, t'as-tu trois autres excellents des farces du 1er avril? Moi, je trouve ça. Oui, oui, bien sûr. Alors, en septième place, c'est en 95, le magazine Discover a annoncé qu'un biologiste de renom, un certain Aprile Pazzo, c'est en italien, Aprile Pazzo, c'est April Fools, qui est en français, poisson d'avril. Alors, M. Pazzo avait découvert de nouvelles espèces en Antarctique, dont un animal que la tête est formée d'eau plat, ce sont des eaux plats. Et qui veut chauffer pour forer la glace à très grande vitesse, et que c'était la technique que cet animal utilisait pour chasser les pingouins. Hey, c'est excellent, ça! C'est tout à fait excellent. Une espèce de drill vivante, mettons, qui était capable d'auto-fournir de la chaleur pour forer la glace plus vite. Exactement. Et le monde a embarqué. Ouais. Mais celle-là est meilleure, celle avec la, j'arrive, la sixième. Là, c'est en 96. Okay. La chaîne de restauration rapide américaine Taco Bell a annoncé avoir acheté la cloche de la liberté, la Liberty Bell à Philadelphie, qui est symbole historique de l'indépendance aux États-Unis, n'est-ce pas? Alors qu'il avait acheté ça auprès du gouvernement fédéral pour la rebaptiser la cloche de la liberté. Liberté Taco. Le Taco Liberty Bell. Merci. Et ça, évidemment, ça a provoqué une avalanche d'appels de citoyens indignés par cette situation-là. Ça serait vraiment... C'est bien, c'était une blague. Le fleur de Pepsi lisé, ça serait pas pire, ça aussi. Ouais. Ouais, ben, c'est excellent, ça. Ça évolue bien. On y va vers le top 10. Moi, je prendrais peut-être un petit peu de temps d'antenne avant, là, parce que là, vous avez remarqué, on n'a pas d'invités géniaux cette semaine. Yves Corbet, il t'a pas répondu. Il est à l'extérieur. Du pays, malheureusement. Il est à l'extérieur du quoi? Du pays. Il n'y a rien de moins. Hein, il est en vacances. Il niaise pas avec ça. Et notre ami, Sylvain, de Évangélisation 2000, devrait être disponible dans une dizaine de jours environ, au retour de Pâques. Ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui, Monsieur Évangélisation 2000, qui va être ici. On annonce aussi, j'ai entendu parler d'un certain Richard Labbé et Cathy Gauthier pour la fin de la saison. Oui, Cathy Gauthier, c'est confirmé, c'est le 13 avril, je crois. 13 avril, ouais, ici à 70%, on va avoir une Valdorienne qui fait de l'humour cochon en bas de la ceinture. Oui, on va se marrer et se dilater la rate. Et oui, voilà, vous êtes avertis. Et puis sinon, ben avec Richard Labbé, c'est quoi? On va y poser. Il pouvait pas aujourd'hui, il a cancellé malheureusement. Ben oui. On peut le comprendre, il suit les activités du Canadien. Et puis le Canadien joue ce soir et demain. Contre qui? À soir, c'est contre... La sénateur du Ottawa. C'est ça, fait que problème, peut-être, possiblement la semaine prochaine. Possiblement la semaine prochaine. Ça veut dire que sur ça, on va aller en toune. Écoutez quelque chose qui me touche pas mal ces temps-ci, c'est les négresses vertes. On est rendu, voilà l'été. On vous revient à 70% avec des extraits, puis hein, ton top 10 va continuer, hein, Simon? Oui, tout à fait, on revient avec la cinquième position. Ah, raid! Les dieux sont ravis. se transforme en phobie. Le métro, c'est tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti, aliboité qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris, c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. J'pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Même dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. C'est impossible d'avoir 110%, 70%. C'est beaucoup mieux que 63%, 70%. Les invités ont jamais de bon sens, 70%. Avec Tommy, c'est toujours à 100%. Ouais. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Ah. On parle une. Mm. Ou un, on est ensemble. Justement, ça réplique 1 plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2. 2 oui. Plus 2 égale 4. Comme ça, on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Mm. 13 pour moi, ça représente 13. 1 plus 3, 4. Tu peux le diviser. Tu peux pas le diviser. Tu peux le multiplier. Oui, tu peux le diviser. Bien sûr. Tu peux le diviser 6,5, hein. C'est correct ? Oui, c'est correct. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Le 7, chiffre 7, est un chiffre qui est très. Je sais pas, je pense au 7. Il est toujours. C'est un chiffre qui me. 7 étages, le 7 level, le 7 nains. Il y avait 7 nains dans Blanche-Neige? Il y avait 7 nains? Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas servi autant de Van Damme défilés. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de quelques secondes de temps d'antenne pour remercier tous les amis qui sont passés chez moi faire le party vendredi soir passé, le 23 mars. C'était ma fête, j'ai maintenant 29 ans. Et plus rien de pareil, plus rien ne va plus. On est rendu au numéro 5, Simon. Oui. C'est en 92, la radio publique nationale aux États-Unis, il avait annoncé, ben tu sais, lui, il avait été, enfin, il s'en allait vers l'impeachment, fait qu'il a démissionné. Okay. On sait ce qui est arrivé, scandale du Watergate, tout ça. Ouais. Alors, ben, c'est ça. Richard Nixon, il avait annoncé qu'il allait être candidat à la présidentielle en 72, ça, j'ai dit, hein. Ouais. C'est en 92, ce que t'as dit, mais. Ah, OK. Fait que, alors, c'est ça, qu'il allait être candidat à la présidentielle. Oups. Avec un tout nouveau slogan. Je n'ai rien fait de mal et je ne le ferai pas une nouvelle fois. Puis, y a-tu passé? Non, fait, c'est Clinton qui fait, fait que c'est, enfin, mais c'est un prank, évidemment. C'est un imitateur qui l'avait imité. Puis évidemment, Nixon, c'est comme s'il faisait sa propre publicité à la radio. C'est lui qui parlait avec son slogan. En tout cas, de toute beauté. Hey, c'est du beau, ça. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pris au sérieux. Hein. Ben, c'est la beauté de ton top 10 des plus grands, ouais. C'est sûr. Là, je veux dire, le monde qui pensait se faire des arbres à spaghetti, là, ça mérite un coup de pelle ronde. Là. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est en Angleterre. C'est ouais. Imbécile, là, écoute. Ouais, pas mal. Est-ce qu'on y va pour le numéro 4? Hein? Oui, tout à fait. On a pas mal rien que ça à faire. On voudrait s'excuser pour le peu de contenu. C'est un show à 70%. Grosse semaine. Ouais, c'est ça. Déménagement. Et puis se remettre du party, ça a pris 3-4 jours. Ça n'a pas été facile. Alors, en 98, il y a eu une lettre d'information des nouveaux Mexicains pour la science et la raison. Qui ont publié un article qui indiquait que l'État de l'Alabama avait, à l'issue d'un scrutin, changé la valeur du nombre pi, qui est de 3, 14, 15, 9, etc. Hey. Pour lui attribuer une valeur un peu plus biblique de 3.0. Only in America. Hey, c'est beau. Ça. Ouais, fait que finalement, ouais. Le vote a passé. Ils ont décidé de voter pour changer la réalité mathématique. Non, ils ont juste publié une lettre qui disait qu'ils avaient fait ça. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû y croire parce qu'on sait que les nombres irrationnels, eh bien, c'est le mal. C'est le mal. Ben oui, c'est, écoute, ça peut pas être compris, ça arrête jamais, écoute. C'est ça. Voyons, c'est une invasion, c'est les forces obscures. C'est ça, c'est le PG de l'opulence. Ben là, peut-être, d'ailleurs, tu me parles de pi comme ça, t'avais dit que le 14 mars... Oui. À 1h59, on était supposé en parler, mais on avait quoi, Charles Tisser? On avait Charles Tisser en studio, fait qu'on a pas pu trop développer là-dessus, mais tu te souviens-tu un petit peu de l'essence... Ça a l'air vraiment brain dead. Là. Oui, ben tu sais, c'est des amoureux du nombre pi qui se réunissent. Des qui? Attends, excuse-moi. Des amoureux du nombre pi. Une troisième fois, là. Les amoureux du nombre pi. Ah! OK. Ouais. Donc, eux autres. Oui, ça existe. Oui, ben oui. Oui. En fait, ils se réunissent. Il y a plusieurs places. C'est entre autres à San Francisco. OK. Bon, le mars, c'est 3. Le 14, ça fait 3.14. 1.59, 1h59. Là, donc, c'est du matin. Là, c'est pas 13h59 l'après-midi. Là, on parle d'une gang de Gilles qui reste debout. Non, ben aux États-Unis, c'est 1.59 PM. Effectivement, PM. Alors, ça marche. Okay. C'est ça. Et puis, ce qu'ils font, entre autres, ils vont porter, par exemple, des bijoux à l'effigie du nombre pi, de la lettre. Hey, s'il vous plaît. Et puis, qu'est-ce qu'il mange? De la pizza? Non, presque. Du pi-pi? Non. C'est de la tarte. Parce que tarte, en anglais, c'est pie. Oh, ben, mon tab. Ouais, toi, c'est peut-être ce qui va nous amener justement à la toune douteuse de la semaine. J'en ai même pas eu la semaine passée. Non, c'est pas vrai. Il y en a eu une. C'est les Canadiens la semaine passée. Les Canadiens qui sont sur une lancée victorieuse, d'ailleurs, qu'on va écouter ce soir tantôt. Avec intérêt. Cette fois-ci, on va écouter Shubby Taylor avec Stout Hearted Man. Ah, c'est pas facile, ça, Shubby Taylor. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, je pense, à 70%. Moi, j'aime bien ça. J'ai fait mon coming out au niveau du douteux. tu sais, je suis capable, là. Tu sais, je le prends avec un sourire. Mais pour les nouveaux qui nous écoutent, ceux qui sont pas habitués avec ça, c'est possible que ce soit un petit peu low, un petit peu difficile. Combien de temps qu'elle dure, cette tonne-là, Tommy? 2 minutes 41. OK, fait que vous pouvez queuer dans 2 minutes 41. Sûrement. Ben, en fait, si jamais c'est trop difficile. Oui. Mais avant, je vais parler peut-être un petit peu de Shubby parce qu'on n'a pas gros de matos. Oui, Shubby Taylor, qui est un gentil afro-américain qui, dans les années 60, voulait faire de la musique. Mais comme il n'y avait pas assez d'argent pour s'acheter un saxophone, instead of blowing a horn, he decided to blow himself. C'est ça. À la place de souffler dans une corne, il a décidé de souffler dans lui-même. Donc, les bruits qu'il fait, c'est un petit peu ce qu'il aurait aimé faire avec des saxophones. Arc. On va l'écouter. Fait qu'à partir de maintenant, oui. Il s'est quand même produit avec Miles Davis. Il a quand même fait une première partie de Miles Davis. Il a déjà fait 2-3 shows aussi sur Internet. Vous êtes capable d'aller au shubytaylor.com. Aïe, aïe. Bon, OK. À partir de maintenant, 2 minutes 41, on vous revient à 70% à l'émission de ceux qui, aujourd'hui en particulier, donnent le strict minimum. Ouais, les amoureux du chiffre 70. Les amoureux du 70. Ça, je comprends mieux. Ouais, c'est un concept. Oh, yeah. J'aime bien le concept d'adorer l'irrationalité. Ça fait réfléchir, ça. Tout à fait. Bon, ben, vous avez 2 minutes 41 d'irrationnel pur pour y réfléchir. On vous revient à 70%, là, c'est fait. Oui, shoot sous ça, shoot sous spa, shoot the plat, do do raw, do do ça, do do raw. Oui, là, c'est de l'autre prima. Oui, da da shra, la passa, da da raw, la da shri, lo poupa, da do ça, c'est de l'autre prima. Ré, sha da ha, sha pa gra, sa pa sa, sha pa ra, sa pa da, sha pa ha, c'est de l'autre prima. Ben, tu l'as dit, la belle, tu t'es fait, ben, tu chra, sou, cha, da, ra, sa, pa, da, ha, c'est l'a dit, c'est l'a dit, tu m'as, ben, tu l'as dit, la belle, tu l'as dit, tu m'as, ben, tu l'as dit, la belle, tu l'as dit, la, tu m'as, tu l'as dit, la, tu l'as dit, la, tu m'as, tu l'as dit, la, tu m'as, tu l'as dit, Ouf, c'est un petit peu plus plaisant d'écouter Blood on the Rooftop de Genesis. Ici, on est en 1976, après avoir subi, et c'est le cas de le dire, notre ami Shubby Taylor, qui est décédé en 2000 quelque chose. Il fera plus d'album, donc. Un seul album, 13 tunes. Simon-Pierre? Oui? Poisson d'avril. Ah oui, oui, oui, oui, bien sûr, on est rendu en troisième position, n'est-ce oui. pas? Elle est pas mal solide, elle. C'est en 98, la chaîne de restauration rapide Burger King, Burgerois, qui est connue pour ses hamburger Whopper. Tu connais le Whopper, n'est-ce pas? Oui, ben oui. Oui, ben ils ont fait paraître dans le quotidien USA Today une pleine page de publicité, puis le USA Today, inutile de le dire, c'est à l'échelle nationale. C'est gros. Il y en a des partout. Il y en a partout de ce genre-là. Toutes les villes. Alors, une pleine page de publicité, donc, pour vanter l'apparition du Whopper pour gaucher. Spécialement... J'étais pas prêt. Spécialement conçu pour les 32 millions d'Américains qui sont plus habiles de la main gauche, n'est-ce pas? Alors, la chaîne a indiqué avoir reçu des milliers de demandes pour le nouvel hamburger. Hey! Puis, y es-tu meilleur? Ben moi, je suis droitier, je peux pas manger, c'est quoi? Ouais, c'est pas mal ça. Mais hey, vraiment, Brendan. Oui, on avoue qu'il n'y a pas pire, ça. C'était la troisième position. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est des réels, là, je veux dire. C'est des vrais... C'est des vrais calembours, des vrais hoax, des vraies blagues que des vraies personnes ont faites dans la vraie planète sur laquelle on vit pour vrai. Des vrais de vrais pranks. C'est bel et bien ça. Voilà, c'est... voilà. Et c'est bien sûr en ordre très scientifique, Simon Bilodeau-Pierresque. Oui, oui, oui. Fait que tu gardes-tu les deux prochains numéros pour plus tard? Ou tout on fait-tu des blagues de pète? On va les... oui. Mais pourrait... je sais qu'on n'a pas vraiment de contenu aujourd'hui. Fait que je suis allé chercher un journal pendant la tournée. Ben oui, c'était tout beau. Hein, en dansant. Et puis... ça parle de la soirée Bounce le Gros. Bounce le Gros. Oui, de Justin Poirier, des soirées électriques. Ça existe depuis l'été 2005. Et puis, je vais lire l'article et je vous en reparle plus tard. Ah, voilà. Hein, on attend des développements vraiment intéressants ici à 70%. Justin Tremblay qui est en train d'exploser au niveau de la popularité. C'est Justin Poirier, en Poirier, fait. Poirier, ouais, Tremblay, c'est pas la même affaire. C'est qui, Justin Tremblay? C'est pas ton ami? Non, un ancien joueur du Canadien de Montréal. Justin Tremblay, je sais pas, on s'en fout. S'il y a un Justin Tremblay qui nous écoute, il peut nous appeler pour dire il est qui. Ça peut marcher. Ouais. Hey, je pense que ça me tente d'aller mettre une autre toune, là, tant qu'à pas avoir ben de contenu à proposer à nos charmants auditeurs. Ouais, Tommy, toi, t'as rien amené, juste des tounes. Hey, aujourd'hui, dans au musée Marc-Aurèle Fortin, mon gars, ça déménage. Hein. Je passe plus mes semaines en avant d'un ordinateur à pouvoir occuper mon temps un petit peu comme ça me tente. Là, je passe mes semaines à transporter des caisses puis à faire du sport. Là. OK, ben regarde ce que je propose. On va faire les ce qui reste ben comme, vas-y. Comme top 10 en revenant de notre pause musicale. Okay. Puis après, je sais pas, tu pourrais m'interviewer. Hey, ça c'est bon ça. On va préparer des super questions. Pour l'instant, on va écouter tu sais, Twin Bush, des Chumins. Ça, c'est un groupe abitibien. C'est fort. Vous allez voir, c'est triste, vous allez en pleurer. C'est une belle chanson. C'est Twin Bush, les Chumins. Le Canadien va gagner, puis ils vont les faire des séries. Je vous le jure. Oh, c'est pas qu'on me l'avait pas dit. La vie c'est noir, c'est blanc, c'est gris. Puis c'est avec ça que j'ai grandi. Puis regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce que je suis devenu aujourd'hui. Hervin, nous savons que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Malheureusement, votre style de vie actif vous empêche souvent de prendre le temps de bien déjeuner. C'est pourquoi, chez Hervin, nous avons conçu un petit déjeuner à votre image, le déjeuner transcontinental. Deux œufs avec bacon, saucisses et lardons, garnis d'une tranche de jambon, avec de la dinde et de la mayonnaise, des cretons au porc et au poulet avec du fromage et des fèves au lard. Un steak 12 onces cuit sur le grill sauce crémeuse ainsi qu'une généreuse portion de frites. Le tout accompagné d'un verre de lait ou d'une root beer au choix. Le petit déjeuner transcontinental seulement chez Hervé, parce que vous le valez bien. On est en onde. On l'est. Pour vrai, mon gars. Alors, on revient avec la deuxième position. Aïe, j'aime bien ça, cette idée-là. C'est comme l'autre fois, c'était quoi les Darwin Awards? Là, t'avais un top 10, là, le gars qui avait répondu à son revolver. Là. Ouais, que c'est parce que lui, il dormait toujours avec un revolver en dessous de son oreiller ou sur sa table de chevet pour des raisons de sécurité. Puis à un moment donné, en pleine nuit, le téléphone a sonné. Puis un peu groggy, il a tendu la main comme pour répondre. Il a pogné son gun, puis il s'est gommé à la place. Et c'est pour vrai, encore une fois, les Darwin Awards qui sont sur Internet. Vous pouvez regarder ça. C'est un site quand même assez cocasse. Puis j'en ai vu des solides également. C'était, je pense, c'est dans le Michigan ou dans l'Ohio. C'est des gens qui étaient d'origine, si je me rappelle bien, est-ce qu'ils venaient de Jordanie? Bah, whatever. Bon, ok, peu importe, c'est ça. Et puis, eux, il y avait un restaurant, puis ils étaient assurés. Puis, ils ont demandé à un collègue de passer, puis de pitcher un cocktail Molotov, tu sais, dedans. Puis là, ils faisaient passer ça pour des incidents racistes, puis ils voulaient, dans le fond, brûler le restaurant, puis collecter l'assurance. Ben oui. Mais il me semble que tu nous en avais parlé. Ah oui, j'ai fait ça? Bon. OK, ben à 3 à 4 reprises, ils ont essayé de faire brûler ça. Ils ont pas été capables. Fait que là, ils ont dit, OK, ben on va étendre du gaz. Fait que là, la prochaine fois qu'il va passer, tu sais, ça va pogner un peu, pas tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de griller une cigarette en même temps, puis... Hey, deux de quotient et quart, sapristi. Bon, ben, en tout cas, numéro 2. Oui, numéro 2. Alors, c'est en 76. Petite pensée pour Pierre Chastenet ici. Ben oui. L'astronome britannique Patrick Moore a annoncé à la radio qu'à 9h47, le 1er avril de cette année, n'est-ce pas, un événement exceptionnel allait se produire. C'est que Pluton va passer derrière Jupiter, puis ça allait créer un nouvel alignement planétaire qui allait réduire la gravité sur Terre. Donc, l'astronome a indiqué aux auditeurs que s'ils sautaient à ce moment précis, le 1er avril à 9h47, ils auraient la sensation de flotter. Ah ben, mon... devine qu'est-ce qui est arrivé? Il y a du monde qui se sont plaints de ne pas avoir l'impression de flotter, je sais pas. Non, des centaines de personnes ont appelé pour dire qu'ils avaient eu cette sensation. Ah! C'est encore plus beau comme ça! De toute beauté, en effet. Ah boy, c'est grâce à Pluton qui passait en arrière de Jupiter. Oui. Pluton qui n'a absolument aucune incidence sur l'existence de qui que ce soit, là, on s'entend. Pluton, c'est que 1800 km de diamètre. En tout cas, c'est tout petit. C'est tout petit, puis c'est à plus de 20 000 fois la distance Terre-Soleil, là, ça n'a aucun sens, là, je veux dire... peut-être pas 20 000 fois, mais c'est très, très loin. C'est loin, très ça n'a pas rapport de ouais. parler de Pluton. Ouais. Fait que tu vas-tu pour le numéro 1? Moi, je suis chargé, là. Je suis tout dur, là. Le numéro 1? Ouais, ouais. Ben, il y en a pas, c'est le poisson d'avril, c'est un top 9. Ah, ben, ben! Ah, ben! Ah, ben! Ça va? Moi, le poisson d'avril dans lequel... oui, donc on est à la radio et Simon tous dans le micro. Là, c'est le micro numéro 4, si jamais il y a du monde qui entend et qui ne veulent pas avoir la chose à Simon. Mais c'est ça, moi, le plus cocasse, en fait, la fois que j'ai le plus embarqué dans une de ces affaires-là, là, de comment que ça s'appelle déjà? Là, de poisson d'avril? C'est ça. La fois que j'ai embarqué le plus solide là-dedans, c'est dans le temps que je jouais à Super Smash Bros. Au GameCube. Ça venait juste de sortir, puis... Mm-hmm. Il avait dit sur un site, en fait sur GameFAQs, qui est sûrement le plus gros site, GameFAQs.com, GameFAQs.com, qui est le plus gros site virtuel de jeux vidéo, à mon sens. Ouais, ouais. Et puis, ça, il avait dit que dans Super Smash Bros, il y avait... c'est quoi son nom? Voyons, Hedgehog, Sonic the Hedgehog, qui était caché à quelque part, tu pouvais le débloquer. Puis pour ce faire, il fallait que tu battes 20 petits robots dans quelque chose qui s'appelait Ultimate Melee. Là. C'est une quest, tu pouvais jouer tout seul. Mais on n'a jamais été capable d'en battre plus que 6-7. Puis il fallait se rendre à 20, puis on a passé des soirées là-dessus. Puis à un moment donné... pour débarrer Sonic. C'est ça qui n'était pas là en fin fond. Je veux dire, belle réussite pour eux autres. Là. Ouais. C'est quoi, moi je pèse-tu play sur une petite cassette spéciale? Tout de suite, oui. T'es chargé, on va faire ça. Mon gars, ça commence... Vous la reconnaissez, c'est notre comique de la semaine. C'est un moment que t'aimes beaucoup, hein, Tommy? Ben oui, à chaque fois, c'est drôle. Est-ce que tu connais Mark Rich? Non, mais il y a un nom assez winner. Tout à fait. Alors, Mark Rich, en fait, il a immigré aux États-Unis pendant la seconde guerre mondiale. Et il a accumulé les nationalités américaines, espagnoles, israéliennes. Il habite en Suisse. OK. Cet individu-là, il est spécialisé dans le courtage des matières premières. Et il est le fondateur de la compagnie de courtage Glencore, sixième compagnie en importance en Europe. Je crois que c'est environ 100 milliards de dollars canadiens annuellement en chiffre d'affaires. Fait qu'il porte bien son nom de famille. Tout à fait. Bon, il n'est plus propriétaire de Glencore, mais il l'a été. C'est le fondateur et puis c'est sa culture personnelle qui déteint sur la culture d'entreprise. Et voilà. Glencore. Mark Rich a bâti une grande partie de sa fortune en contournant l'embargo sur l'Iran, n'est-ce pas, qui a été établi à la suite de la prise d'otage qui est arrivée à la fin des années 70. À l'ambassade des États-Unis en Iran. L'ambassade des États-Unis. OK, lui, il a contourné, il s'est foutu de l'embargo, fait qu'il a fait de l'argent. Tout à fait. Il a été poursuivi puis il a été condamné aux États-Unis pour cette violation d'embargo-là. Il y a un grand jury fédéral américain qui l'a accusé de plus de 50 chefs d'inculpation, fraude, commerce avec l'ennemi, etc., etc. Il aurait pu avoir jusqu'à 325 années de prison. Mais ça a été prononcé par coutumasse parce que Rich, il est en Suisse, puis la Suisse a refusé la demande d'extradition des États-Unis. On sait qu'ils sont neutres, eux autres. Hein? Exactement. Rich, également, là, celui qui a inventé les mécanismes de préfinancement pétrolier qui permettent à des pays africains de s'endetter sur des revenus pétroliers à venir. Et ça se fait au bénéfice des dirigeants de ces pays-là. Alors, on voit tout de suite la corruption qui peut arriver. Oui, puis Zaccardelli qui s'occupe de ça avec le gars de New York. Ouais, c'est ça. Mais entre autres, il y a un scandale qui s'est passé au Congo. OK. Le Congo qui était sous la loupe du FMI pour qu'il puisse bénéficier d'une assistance du Fonds monétaire international. OK. Et puis, tous les années, 2001, 2002, 2003, ils ont dit on va enlever cette fenêtre opaque devant nos moyens de financement. Ils l'ont jamais fait. Ah. Et puis, cette ressource naturelle-là dont les citoyens devaient en bénéficier, ben, c'est Rich et puis c'est les dirigeants Rich qui se sont poussés avec le cash. Ils ont obtenu 650 millions de prêts comme ça. OK. À travers des compagnies offshore. Puis, en échange, ils ont envoyé 1,4 milliard en produits pétroliers. Fait que tu vois tout de suite la marge de profit qui s'est faite. Voyons donc, ça sent là. OK, continuons parce que Glencore, n'est-ce pas, ainsi que Xstrata, qui est une société qui appartient également majoritairement à Rich et Glencore. Rich, okay. Alors eux, ces entreprises-là, ils ont en Colombie, entre autres, sur le site des mines de charbon de Cerrejón, ils ont rasé des villages entiers et exproprié leurs habitants de force avec la complicité des autorités et de l'armée. Ces deux sociétés-là sont aussi dans le collimateur du syndicat des mineurs pour des affaires de corruption et surtout de violations très graves des droits de l'être humain, des droits de l'homme. Donc, il y a aussi cette sombre affaire du peuple indien, les Wayuu, qui ont été chassés de leurs terres ancestrales par, entre autres, une unité de l'armée sur place, évidemment, qui était employée par la compagnie. Fait que la compagnie va là puis engage les militaires de la place, enfin, pour surveiller les installations. Ça, c'était révélé dans un reportage qui a été diffusé par la télévision suisse romande en 2006, en juin 2006. Fait que c'est récent, là. C'est... Écoute, de 83 à 2001, Mark Rich a figuré sur la liste des fugitifs les plus recherchés, les Most Wanted, là, du FBI. OK. Et le 20 janvier 2001, quelques heures avant que Bill Clinton quitte la présidence, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, un de ses derniers actes officiels, ça aurait été de gracier M. Mark Rich, la grâce présidentielle. Cette amnistie présidentielle a déclenché un scandale, évidemment. Puis surtout quand on a appris que Denise Rich, qui est l'ex-épouse de l'homme d'affaires, a fait un don d'un million de dollars au Parti démocrate et à la Fondation Clinton. Hey, ça sent vraiment le corrompu, ça puissamment. Pue, hein? Ça pue. Christy, qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Simon! Une chance qu'on est là pour dénoncer pour ces choses-là. Dénoncer. Fait que là, c'est quoi? Tu nous fais de ça officiel? Moi, j'aime ça, ta petite phrase de la fin. Oui, alors, pour toutes ces raisons, notre ami Mark Rich vous nomme en cette semaine du... On est quatre semaines. La dernière semaine de mars, vous nomme comique de la semaine. Félicitations. Ça en a un beau à part de ça. C'est vraiment un beau. Hein. C'est un gars qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, magouille et fait des crosses sur les cinq continents. Là, je t'ai entendu parler de l'Inde, du Congo... Oui. De l'Europe, de l'Amérique, puis je veux dire, l'Australie, c'est sûr qu'il est allé en voyage une fois pour aller magouiller. Sûrement, oui. Hey, sacré. Ouais, c'est assez épouvantable. Il manque de coups de pèlerin dans ce monde-ci, des fois. C'est triste, c'est très triste. Hey, fait que là, ce gars-là, mettons, là, qui a détourné 650 millions, ben, il pourrait payer tous les frais d'éducation. Puis lui, c'en est un autre que si tu dis que c'est un hostie de sale, ben, tu vas te faire traiter d'antisémite. Ça, c'est beau, ça. Ah, Rich? Mark Rich, il est israélien. Ah, voilà. Donc, aïe, on écoute Cleedence, Clearwater, Revival, Down on the Corner ou Boondock, le corbeau? Boondock, le corbeau, ici. On vous revient juste après. Le chanteur de ça, j'ai oublié son nom, mais c'est rendu qu'il donne des cours en infographie pour faire des jeux vidéo. C'est vrai. T'es sérieux? C'est vrai. Il a fait carrière après. Là, son dernier album, c'était... C'est l'été, comme à chaque été, je prends mon char pour voir des palmiers. Ouais. En tout cas, écoutez, Boondock le corbeau, ça date de 86, dans le temps qu'on bandait même pas. Hein. Voilà. Ah, oh, Tommy! Oh. Ben oui! Le suis, prêt pour sa mort, au culte des vents. après une dure semaine au bureau, j'aime bien inviter des amis à la maison pour partager un repas. Malheureusement, il y a le cancer du sein. C'est pour cette raison que j'achète le riz Uncle Ben's. Le riz Uncle Ben's, c'est un très très bon riz. En vente cette semaine chez Provigo. Donc, Simon-Pierre Bilodeau, est-ce que tu joues à Magic? Non. Non, je joue pas à Magic. Des fois. Une belle anecdote amoureuse, s'il te plaît. J'ai fêté le 12 mars mon 10e anniversaire de célibat. C'est une belle. Ta star la plus sexy, ouais. Masculine ou féminine? C'est comme tu veux. Dans les féminines, j'aime beaucoup Penelope Cruz. OK. Naomi Watts aussi. Ouais, y a de quoi faire. L'odeur qui te répugne le plus? qui me répugne le plus. Non, ouais, celle que t'aimes pas, là. Les poubelles. Bah, c'est bon, ça, du bon jus de poubelle. Ouais. Est-ce que c'est important, tu penses, toi, Simon-Pierre Bilodeau, d'avoir une marque de bière préférée? Oui, parce que ça donne une personnalité. Eh hey boy, oui, hein, c'est le mot-clé dans ce monde où tout va si vite. Est-ce que tu veux me raconter un de tes souvenirs de voyage? Oui. Ben, vas-y. L'année passée, je suis allé skier en Suisse. Ça a dû faire mal. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis, y avait-tu des arbres à spaghettis? Non, mais le gars en avant de moi, il avait la nationalité américaine, espagnole et israélienne. Oh! Oh! Tu disais qu'il donnait un coup de bâton en arrière de la tête de la part de tout le monde. Il me dit qu'il faisait dans le courtage. Comme M. Lacroix, là, il donnait des trucs pour spotter le monde qui voulait faire des crosses. Ben, ouais! Bon, ben, quand même, on a bien fait ça aujourd'hui. Je pense, là, on a fini. On va aller écouter le Canadien, là. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, on va faire ça tout de suite. Voilà, donc c'était 70% pour le... On est le 30 mars. Vous connaissez un petit peu plus de choses maintenant parce que vous avez écouté 70% pendant une heure. Fait que revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, ben, on va essayer de faire un show à peu près pareil, mais un petit peu mieux. Ouais, on va amener du contenu. Hein, ouais. Tommy? Ouais. Et voilà, in my face. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté ça. On va revenir la semaine prochaine. 70%, une façon de vivre plus qu'un show de radio. Là, c'est bien dit. Ça. Ouais, c'est... Bonsoir! Elle est partie! Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Attends, t'as l'air qu'on te fait. Ah, dis maman! Mon père pensait que vous êtes au bonheur de toi, là. Maman, tu es en finale. Quand tu regardes comme d'ailleurs, c'est quand que t'en fais un bois. Ton fromage. Vive le vent! Vive le genre libre! Vive le vent! Pour toutes les conversations dans lesquelles tu as fait partie. Genre, nous te remercions. Genre, nous te remercions. Pour toutes les fois où tu as sauvé les utilisateurs de la langue française d'une impasse. Pour toutes les fois où tu as rempli un trou qui aurait pu être vide. Genre, nous te prions. La SAR vous attend pour une grande première jusqu'au 30 septembre. Tous les concessionnaires automobiles.